cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fi darsina al-akhir, akhadna muqaddimatan fi bab al-takfir, des points importants dans ce sujet, al-takfir. فما معنى التكفير؟ Qu'est-ce que ça veut dire التكفير؟ تفضل. من يكفر الناس. Ça veut dire quoi كفر الناس؟ التكفير. من يخرج الشخص من الإسلام. أحسنت. إخراج الشخص من الإسلام. Le faire sortir de l'islam, c'est ça التكفير. وقلنا أن هناك فرق بين التكفير المطلق أي من حيث العموم وتكفير المعين. Qui c'est qui résume هذه المسألة؟ Il y a une différence entre le تكفير المطلق et التكفير بالتعيين. تفضل. مثلا يقول من ذهب لغيلة وهو كافر مطلقا. نعم. وتعيين من قال فلان ذهب لغيره. نعم. فالعموم c'est sans spécifier une personne. On dit celui qui fait telle chose c'est un kafir. On vise personne. Ça c'est du takfir. Aïe foulan, ou plutôt cette catégorie de personnes qui fait telle chose, cette chose elle fait sortir de l'islam sans viser une personne. At-ta'yin c'est viser. Aïe un tel c'est un kafir. Ou l'ulama y différencie. Pourquoi y différencie? C'est pas d'autres personnes qui font un acte de l'occurrence qui devient automatiquement kafir. C'est pas tous ceux qui font un acte de kufr, c'est forcément des kufars. C'est pour ça que l'ulama y différencie entre la catégorie et la personne. Et ils ont cité des shorotes. Aïe, pour que cette personne, ce musulman, il sorte de l'islam, il y a des conditions. C'est pas chaque musulman qui fait un acte de kufr, forcément c'est un kafir. Là. Wa min al-shurut, mada, qu'est-ce qu'ils ont cité, tfaddal? Al-ilm. Al-ilm. Al-ilm, al-qasd. Fama ma'na hada al-shart? Qu'est-ce que tu as compris de ce shart? Il faut savoir que cette chose est un annulatif de l'islam. أنه لا بد من إقامة الحجة. لأن ربما il sait pas, sans rentrer dans les détails, on a dit, si c'est une chose claire et il fait aucun effort, c'est un autre sujet. لكن نحن رست في العموم. أي لا بد من إقامة الحجة. أما si il sait pas. Et il n'a aucun moyen d'apprendre et personne ne lui a montré. فهذا قد يعذر بجهله. ما الدليل؟ Et c'est ça qui est important, يا إخوان. C'est de connaître l'adilla. Et pour appuyer notre parole هنا, il faut un دليل. عندك؟ Le hadith de rapporté par Nabi sallallahu alayhi wa sallam où une personne venue d'Israël, il faisait commettre beaucoup de péchés. Avant de mourir, il a dit à ses enfants lorsqu'il mourra, quand il allait mourir, de le brûler, d'éparpiller ses cendres. Ahsant. Hadha ar-rajul, il a demandé à ses enfants de le brûler et d'éparpiller ses cendres. Et après sa mort, limada? De peur de rencontrer leurs yeux avec ses ennemis. Na'am. Ce qui l'a poussé à hadha, c'est le khawf min Allah, khashiyatullah. Et il était sincère, il était véridique. Aïna al-kufr. Il a pensé qu'il n'aurait pas le rassembler. Na'am. Tellement qu'il a eu peur de rencontrer Allah Azza wa Jal, il a cru, il a pensé qu'en se faisant brûler et en éparpillant ses cendres, Allah il n'allait pas le ressusciter. Et il allait échapper au adab. C'est quoi qui l'a poussé à hada? Al-khawf. Al-khashya. Famada. Zid. Et à leurs yeux, il lui demandera qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce service, et la crainte de. Na'am. Al-Khawf, quand Allah subhanahu wa ta'ala il le ressuscitera, il lui demandera pourquoi. Wa Allahu alam bidhalik. Allah il sait tout. Lakin il lui demandera pourquoi. Et ce abd min bani Israël, il répondra annahu il a eu peur et il a akhir. Famada? Na'am, fallahu ghafara lah. Allah il lui a pardonné. Ma'a annahu waqa'a fil kufr, il est tombé dans le kufr, ou il a fait du kufr wadih. Il a douté sur Qudratullah Azza wa Jalla. Ça c'est du kufr. Lakin al-jahl, il était ignorant. Il pensait vraiment qu'en faisant cela, il allait peut-être être épargné. Hada, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a pardonné. Ça montre anna l'ignorance, ça peut être une excuse dans certains cas. Wa min al-Qur'an, tafadhal. Na'am, qala Azza wa Jalla, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'ath rasula. Mashahid? Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala il châtiera personne que si cette personne qui mérite le châtiment elle a reçu le message. Ça montre que celui qui n'a pas reçu le message et il ne pouvait pas comprendre, il n'avait pas les moyens d'apprendre, c'est autre chose. Et on répète qu'il y a des cas, il y a des détails, il y a des exemples. Ce sujet, fil haqiqa, il mérite d'être traité akthar. Sallallahu tawfiq. Al-shart al-thani, la deuxième condition. Al-qazd. Ma ma'na al-qazd? Al-qazd, ma'na, مثلا الانسان يفعل الاشياء بالعقل volontairement. Ahsant. Ay, il fait cette chose volontairement. Ça fait sortir qui? Ça fait sortir de l'humanité. Na'am. Amma celui qui fait du kufr par erreur, il n'est pas pris en compte. L'imam, il a fait un khata. Non, il ne fait pas cela volontairement. Mathalen, il se trompe. Ahyalan, ça arrive. Sabq lisan. Tu veux dire une parole, tu te trompes. Tu dis du kufr. Tu n'as pas fait exprès, bi hadal hal. Tu n'es pas pris en compte. Mad dalil ala hada shart al-qazd inda man? Mad dalil, tafaddal. Naam, il a perdu sa monture avec toutes les provisions. Enfin, quand il a retrouvé Mada Qal, Ya Allah, anta abdina wa ana rabbuk. Ahsant. Quand il a retrouvé sa monture, min shiddatil farah, tellement qu'il était content, il était dans une situation critique, plus de monture, plus de provisions au milieu du désert. Kama akhbara Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a retrouvé sa monture, tellement qu'il était content, il a dit Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. C'est du kufr. Le fait de dire Ya Allah, tu es mon serviteur et c'est moi le Rabb. Il s'est trompé, ouais, il a inversé. Il voulait dire Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Et tu es mon créateur et je suis ton serviteur. Il s'est trompé, il a inversé. C'est du kufr. Il n'est pas pris en compte, il n'a pas fait exprès. Hada, kadhalik, c'est al-khata wa nisyan, c'est un mani'. Et shart, c'est al-qazd. Al-thalith, troisième condition, huna, faddal. Naam, le contraire c'est al-ikra, le fait d'être forcé. Celui qui est forcé, mathalan kafara min a'da illahi azza wa jal, il le force à se prosterner devant une statue, ou à dire une parole de kufr, insulter Allah. Et huwa, il fait cette chose, il est forcé, il n'est pas pris en compte. C'est pas un kafir. Bishart, bien sûr, à une condition. عندما بشرط الإكراه بشرط أي أنه يعذر إن كان مكرها بشرط نعم أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. Bien sûr que dans son cœur il déteste cette chose et il a l'Iman et il est forcé. هذا في هذا الحال s'il fait pour préserver son sang, inshallah il est excusé. Et on a dit هذا الشرط الثالث, on le verra en détail dans les annulatifs. Naam, nawaqid al-islam, insha'Allah ta'ala. Al-rabi', quatrième short, عندك. Ta'wil de Waïdou Sahir. Al-ta'wil. Ta'wil. Naam, le quatrième short, al-ta'wil. Et Al-mani' c'est al-ta'wil al-sa'ir. Et un ta'wil al-sa'ir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ta'wil, il a un wajh. Mathalan, qissat Qudama ibn Mad'oun avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Son ta'wil, il avait un wajh. Il a compris du verset annahu, dans ce cas, c'était pas haram. Il y a un wajh. Le verset, il l'a compris comme ça. Amma un ta'wil, yarahmakallah, qui n'a pas de wajh du tout, et tu ne peux pas expliquer le verset comme ça, ce n'est pas un shar. Mathalan, ta'wilat al-batiniya, al-qaramita, al-kafara, al-zanadika, kal-rawafid, mathalan. Ils ont des ta'wilat ba'ida. Mathalan, ils expliquent le verset pour vous montrer que ahyanan al-ta'wil, c'est expliquer un verset. La compréhension d'un texte. Celui qui a mal compris et il a fait un effort, il peut être excusé. Comme ça arrive à Qudama. Lakin ahyanan, si la compréhension, l'explication est ba'ida, ce n'est pas une excuse. Famathalan al-Rawafid, ils expliquent al-Baqara, allati amara Allahu an tudbah, ma'a anduru safa, ma'a anna al-qissa, c'est fi bani Israël. Qissa fi ma'a qawm Moussa. Ils ont expliqué al-Baqara, et cette vache, par Aïcha radiyallahu anha. Ça c'est kufr wa dalal wa zandaqa. Il se moque fil haqiqa. Et il joue avec le Coran. On ne dit pas c'est un ta'wil sa'ir, c'est un ta'wil batil. Ils expliquent كذلك al-hajj. Walillahi ala al-nas hijjul bayt. Al-batiniya, ils expliquent al-hajj bi al-ziyarat al-shirkiya ila al-qubur. Ils expliquent le hajj, c'est visiter les tombes des pieux et faire du shirk. Ça, c'est un ta'wil batil. Aucun savant, il a compris hada. Bel, aucun aqil, il a compris hada. C'est impossible de comprendre hada. Illa un zindiq, un marid, qui se moque du din, na'am. Il peut faire ce genre de ta'wila. Fa ta'wilat al-batiniya, al-zanadiqa, elles ne sont pas acceptables. Abadan. Et ha'oula, c'est des kafara. Amma, si un ta'wil, sa'ir, il a un wajh dans l'ura. Fa fi hada al-hal, ça peut être une excuse. Et on a l'exemple avec Qudama ibn Mad'oun avec l'histoire avec le khamr. On a insisté sur ces shurut لان المساله هذه elle est muhimma. Kam min ash-shabab inharafu fi hadha al-bab. Combien de jeunes se sont égarés fi hadha al-bab annahum ykaffar, ils se précipitent à rendre kafir une personne. Pourquoi? Parce que cette personne elle a fait un grand péché. Alors que la croyance du musulman, celui qui fait un grand péché, tant que ça ne fait pas partie des annulatifs qu'on va voir, ça reste un musulman. Il a une faiblesse de foi, on ne peut pas le faire sortir de l'islam. Il boit de l'alcool, ou il a fait zina, yadam billah, ou il a menti, ou il a trahi, ça reste un musulman. Si c'est un musulman, un fasiq, il a du char, on le déteste par rapport à sa faiblesse et on déteste ce qu'il fait. Mais ça reste un frère, un musulman. إلى حق ينصح إلى آخره أما أصحاب الغلو من الخوارج والتكفيريين فيفون سقطوا الإسلام بهذه الذنوب سين فتنة سين فتنة الآن فتنة داعش والقاعدة et tous ces groupes المجرمون الضلال ils se sont égarés لأنهم ils ont exagéré ils n'ont pas compris ce genre de point لماذا لأن القوم ne reviennent pas أهل العلم. Vous remarquerez que ma'al khawarij, par exemple avec Daesh, tu ne trouveras jamais un savant ma'ahum, abadan. C'est que des jeunes de juhal. Tu ne trouveras jamais un talib ilm, ou un alim, ou ils sont hawla al-ilm, jamais. Ils sont que avec le hawa, et les ma'asi, et les mukhalafat, et ils suivent leur hawa, et ils prétendent que tout le monde est sorti de l'islam, sauf leur groupe. Et ça c'est min al-inhiraf. Ils ne connaissent pas de din. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui doivent faire beaucoup d'efforts fi hadha al-bab, apprendre leur din et revenir aux savants. Nahnu al-an, on a tiré ces points min kalam ahl al-ilm. On a cité kalam Cheikh al-Islam, on a cité kalam Cheikh al-Fawzan wa Cheikh Nadmi et beaucoup Cheikh Abdul Latif. Revenir à ahl al-ilm et eux vont nous expliquer sans exagérer. Kadhalik, l'autre extrême, sans faire de concessions. Ayyadam billah, ba'dahum, ils sont arrivés à un niveau, l'an, hatta un yahoudi, un juif clair, il a du mal à dire c'est un kafir. Là, c'est un kafir billah, y'azzawajal, il n'y a aucun problème. Les textes, ils montrent que c'est un kafir. Il ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne croit pas au Coran. Ça suffit. Et tout le kufr qu'ils ont. Le fait qu'ils ne croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne croient pas au Coran. Le kufr est wadih, ce n'est pas un musulman, abadan. À le juste milieu. Et pour rester et comprendre ce juste milieu, deux choses. Al-ilm. Awalan, et kadhalik al-ikhlas. Al-ikhlas. Al-hawa, ça fait beaucoup de mal. Al-mukhlis, il fera tout pour comprendre les textes comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut, pas comme lui il veut. Et faire des efforts fil ilm. Khassatan, ma yata'allaq bi hadhihi al-abwa. L'aqida, al-tawhid, c'est très très important. Toutes les fitnes que vous voyez là, que ce soit fitnat al-khawarij ou autre, c'est un problème fil aqida. Un problème fil tawhid. Celui qui veut apprendre son din, il commence par hada. On commence par hada, c'est ça l'essentiel. À perdre son temps avec des questions futiles ou des questions qui sont utiles mais elles ne sont pas aussi importantes que hada, donne un peu de temps à hada. Et la plupart de ton temps, consacre-le à ce genre de chapitre. Nawaqid al-Islam, Shurut la ilaha illallah, tu apprends al-Tawhid, tu apprends l'aqida. Dès que tu seras fort dans ce domaine, tout ce qui viendra après, ça ira tout seul. Bien sûr, toujours la sincérité et la régularité, l'ikhlas ou l'istimra. Continue fil ilm. Ne pas faire des efforts une semaine, deux semaines, tu vas comprendre ces choses. Somma, avec le dunya, avec les péchés, tu oublies et probablement tu faiblis. Hada. Et on avait détaillé dans le dars précédent akthar, et inshallah on propagera l'audio. Il y en a, il est muhim. Waliyoum, on commence à hadhihi an-nawaqid. On a une introduction, on a une base dans le takfir pour comprendre. Si on commence l'étude, inshallah, ça sera simple. Qala al-allama al-sheikh Najmi rahmatullah alayhi. Prenez directement la page 66 كذلك, لأن page 64 il a cité le matn en entier, ثم il va reciter le matn plus le shah. نحن لي directement شك ناقد avec الشرح أحسن. قال العلامة الشيخ نجمي رحمة الله عليه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. C'est une رسالة de الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. C'est نواقض, c'est un petit livret que الشيخ الإسلام رحمة الله عليه il a écrit, les 10 annulatifs de l'islam. أولا اعلم كما ذكر هنا في الحاشية أن النواقض أكثر من عشرة. شيخ الإسلام il a cité 10 annulatifs. Ne comprend pas qu'il n'y a que 10 annulatifs. Là, il y en a beaucoup des annulatifs. لكن رحمة الله عليه il a cité les plus importants. Il a cité ceux sur lesquels il y a unanimité, الإجماع. Il a cité les plus dangereux, les plus répandus. وإلا فبعض الفقهاء في كتب الفقه باب الردة ils citent ce chapitre, وبعضهم ils ont cité 100, 200, 400. لكن في الحقيقة la plupart ça revient à ces 10. مثلا الشرك tu peux en citer plusieurs si tu cites الذبح, si tu cites beaucoup de صور في الشرك, ça va te donner beaucoup de نواقض. شيخ الإسلام il a résumé en un, الشرك بالله. Et كذلك le deuxième ما يتعلق بالوسائط لأن سي امبورطون. فالمهم أن النواقض يونا بوكو بلوس, لكن شيخ الإسلام il a résumé هنا قوله أن نواقض الإسلام. الناقض الجمع سي نواقض سي المبطل المفسد, أي في اللغة ناقض الشيء سي مبطله ومفسده, quelque chose qui annule. فمثلا الوضوء الطهارة لدي نواقض. Celui qui fait les ablutions, il peut annuler ses ablutions avec un aqd, un annulatif. مثلاً, il va au WC, il va aux toilettes, il dort. Tout ça, ça annule al-wudu. فالوغتم, c'est al-mubtil. C'est comme si tu disais mubtilat al-islam. Et ce qui annule al-islam. كذلك, on نبه أن هذه النواقض منها اعتقادات. Ça peut être un annulatif qui est lié aux œuvres du cœur. Ça peut être lié au af'al, al-dhabh, mathalan. Ça peut être une action, sacrifiée pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Ou ça peut être dans le cœur, comme on a dit, i'tiqad. Maintenant, il pense qu'un tel y connaît l'invisible. C'est du kufr. Ça fait sortir de l'islam. Même s'il n'a rien dit, même s'il n'a rien fait, le fait d'y croire. Et kadhalik, ça peut être aqwal. Ça peut être une parole. Maintenant, insulter Allah Azza wa Jal. Ayyadam billah. Ou se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on verra, inshallah. Donc ça peut être des croyances, des actes ou des paroles. C'est comme l'iman. Al-iman qawlun wa i'tiqadun wa amal. C'est ça l'iman. Ça peut être une parole, ça peut être une action, ça peut être une croyance, l'iman. Bel, c'est une parole, c'est une action et c'est des actes. Wa hakadha al-kufr. Qala, rahimahullah, al-awwal, al-shirku, fi ibadatillah. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Le premier granulatif الشرك بالله. Donner un associé à Allah Azza wa Jal في العبادة. Cheikh l'Islam il a cité في العبادة لأن c'est le plus répandu. وإلا فالشرك في الربوبية ça fait sortir de l'Islam. كذلك الشرك في الأسماء والصفات. قال وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. Donc le premier ناقد الشرك. الشرك لغة التعريف c'est important. العلماء conseillent si tu veux comprendre العلم de donner beaucoup d'importance au ta'arif. Al-ta'arif, c'est la définition. كذلك الضوابط. Les définitions. Et comment reconnaître une chose? Pourquoi? لأن celui qui comprend mal le shirk, il peut s'égarer. Il peut accuser un tel d'avoir fait du shirk alors qu'il n'a pas fait de shirk. Ou lui-même, il peut croire que cette chose, ce n'est pas du shirk et il l'a fait. ويهلك عيادا بالله. Donc connaître le ta'arif c'est muhim. والضوابط كذلك. مثلا التقسيمات. مثلا العلماء disent que le shirk ça se divise en deux. Akbar wa asghar. Un petit shirk, grand shirk. Et il te montre la différence. C'est ça l'ilm. Donc vous faites beaucoup d'efforts dans les ta'arif. Les définitions. تقسيمات كذلك. Quand العلماء cite des catégories. والحفظ. Et l'apprentissage par cœur. Amma assister à un cours. Ne pas noter la définition. Ne pas apprendre les textes par cœur. Ne pas réviser. C'est comme si tu assistes à une khutbah de Jumu'ah. Tu vas comprendre certaines choses, tu vas sortir une semaine, deux semaines. Si on te demande l'an, qu'est-ce que le khatib il a dit il y a un mois, tu ne pourras peut-être pas citer le sujet de la khutbah. Ana kadhalik. Ce n'est pas un dars où on prend des notes, nahfad ila akhiri. C'est une nasiha. C'est mujarrad tadhkira. C'est un rappel. Ça te fait du bien. ثم la semaine d'après un rappel, ثم l'autre semaine un rappel. C'est ça le but de la Jumu'ah. Amma ad-durus la. Ad-durus, ces choses qu'on apprend, un, ça doit te servir da'iman. Tu en as besoin tous les jours. Et inshallah, tu dois appeler les autres kadhalika hada al-khayr. Et la seule solution pour retenir, c'est l'apprentissage. Les définitions, tu les notes. Adilla, tu les apprends. Et petit à petit, dans l'ordre. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on dit, vous allez l'apprendre, vous allez le noter là. Les ulama, alhamdoulilah, ils ont rassemblé des moutons, tout ça c'est cité. Et on vous citera qu'est-ce qu'il faut apprendre fi hadha al-bab. Al-nawaqid, inshallah, celui qui peut, vous apprenez ces 10 nawaqid. Al-muhim, anna al-shirk lughatan ismun lishay alladhi yakun akthar min wahid. Taqul, ishtaraka rajulan. Ça c'est fi l'ugha. Tu dis Fulan ishtaraka ma'a Fulan. Et c'est son associé. Mathalan, un tel, il a fondé son entreprise et il s'est associé avec un ami, avec son frère, avec son voisin. Enfin, Fulan, c'est l'associé de Fulan. Il était seul et il s'est associé avec un deuxième pour ouvrir cette entreprise. C'est ça. Ash-shirk lughatan. Ça vient de l'ishtirak. Et il s'associe. Même en français, ils le disent, s'associer. Ça, c'est dans la langue arabe. Aïe. Min haith al-lugha. في الشرع dans notre domaine نحن أي الشرك qui fait sortir de l'islam بعض العلماء عرفوه بقولهم مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. Donner un associé à Allah عز وجل dans une chose qui est réservée à Allah عز وجل. تا تقدم معنا أن المسلم يبخونس لا إله إلا الله. Pourquoi؟ لأنه سموحد. Il dit la ilaha illallah, أي personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. C'est ça le musulman. Il dit la ilaha illallah, une parole qu'il comprend, qu'il applique. كما تقدم. الشرك, c'est cette adoration qui est réservée à Allah. Et chaque musulman, il doit être d'accord. لأنه il prononce ça. Il dit la ilaha illallah. Donc celui qui donne une adoration autre qu'Allah, c'est un mushrik. Pourquoi? لأنه il a donné une chose qui est réservée à Allah à autre qu'Allah. الربوبيه كذلك مثلا واحد il a une croyance que un tel c'est lui qui a créé telle chose, c'est un mushrik. Pourquoi c'est un mushrik? احسن لماذا لانه اعتقد ان فلان من الناس فلان من الناس يخلق اي الخلق سمن خصائص الله عز وجل من ذبح لغير الله. C'est du shirk. Les mâles. Celui qui sacrifie, c'est que pour Allah. Tu n'as pas le droit de sacrifier pour autre. Même si c'est pour le commerce, tu dis bismillah. Un mawahid qui égorge et au nom de autre qu'Allah, c'est un mushrik. Pourquoi? Les anna sacrifié, c'est une ibada, comme on verra. Enfin, le tarif, il est important. Moussawa tu ghayrillah. Al-Moussawa, c'est mettre une créature au niveau d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. C'est ça le Moussawa. Moussawa tu ghayrillah. Billah, fi ma huwa min khasa'isillah. Mathalan, min khasa'isillahi Azza wa Jal, ilmul ghayb. Ayya qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'invisible. Celui qui prétend que tel sorcier, il connaît l'invisible. Enfin, مثلاً, il veut des enfants ou de l'argent ou son fils il est malade. Il va voir un sorcier en pensant que le sorcier peut l'aider, alors que c'est des choses de l'invisible. Il sort de l'islam. Pourquoi? لأنه أشرك بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. Ou il prétend que un tel il connaît l'invisible. عياذا بالله. Ça le fait sortir de l'islam. Donc le ta'rif الآن il est jamais. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre les ta'arifs, les définitions. La définition, elle va t'englober tout le sujet. Tu n'as plus qu'à apprendre les adillahs, comprendre les exemples, et incha'Allah, tu auras compris al-bab. Qala, rahmatullah alayhi, aqul, min kitabat, wa mu'allafat, Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, al-Nafi'ah, nawaqid al-Islam al-Ashara. وإن مما ينبغي للمسلم ويتأكد عليه أن يتعلم هذه النواقد حتى لا يقع في شيء منها وهو لا يشعر. C'est pour ça que c'est important d'apprendre ce genre de sujet. Apprendre tawhid, ça suffit pas. Apprendre sunnah, ça suffit pas. Tu es obligé d'apprendre ce qui contredit le shirk ou le bid'ah. Pourquoi? Pour mettre en garde, pour t'écarter, pour faire attention. Comme les gens, ils ne connaissent pas tawhid, ils ne connaissent pas ces nawaqid et ils les font. Il y en a, il ne sait pas. Et on a déjà dit, ce n'est pas tous ceux qui ne savent pas qui sont excusés. Là, s'il peut apprendre, il y a des doros, alhamdoulilah, l'un avec tous les moyens qu'il y a, il peut avancer et il ne fait aucun effort, enfin, peut-être qu'il ne sera pas excusé. Donc, nous, on fait des efforts via hadal bab, on n'est pas à l'abri. Abadan. Qala, fa'aham wa awwal wa akhtar tilka nawaqid huwa ash-shirku billahi azza wa jal. والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc on a expliqué c'est quoi الشرك لغة وشرعا. الآن الشيخ نجمي رحمة الله عليه cite les preuves pour montrer la gravité du shirk. الشرك c'est très grave. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il a cité le premier annulatif الشرك. Il a rien cité avant. Pourquoi? C'est le péché le plus grave. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les grands péchés, Akbar ou Al-Kaba'ir, et il a cité en premier Al-Ishraq ou Billah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les grands péchés, le premier qu'il a cité, Al-Shirk, donner des associés à Allah Azza wa Jalla. C'est très grave. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Mais tous les autres péchés, Allah il peut te les pardonner. Ce verset, c'est sur celui qui meurt à al-hada. Mais celui qui est vivant, même s'il a fait du shirk, même s'il fait du shirk, même si c'est un juif, un chrétien, et il se repent, Allah il lui pardonne. Lakin celui qui meurt à al-shirk, c'est fini, Allah il lui pardonne pas. إنه أو ستأتي الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما celui qui est vivant, même s'il a fait du shirk akbar, يتوب إلى الله عز وجل. S'il est sincère, Allah سبحانه وتعالى lui pardonne. لكن celui qui meurt à la shirk, c'est très grave. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما tous les autres péchés, Allah سبحانه وتعالى, même si cet homme, cette femme, il meurt, et مثلا il buvait de l'alcool, il faisait zina, Allah il peut lui pardonner. On parle s'il n'a pas fait tawbah. S'il a fait tawbah sincèrement, Allah il lui pardonne. Lakin s'il meurt sans avoir fait tawbah, Allah il peut lui pardonner. Ça montre la gravité du shirk. وَمِنْهَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مُخْبِرًا عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ أَنَّهُ قَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Deuxième verset. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui meurt à la shirk al-akbar, premièrement Allah il lui pardonne pas, deuxièmement Allah il lui interdit le paradis, il rentrera jamais au paradis. Et ta'lamoun anna fil akhirah il y a deux demeures, al-jannah wa an-nar, il y a pas de troisième. Fa celui dont l'entrée du paradis lui est interdite, il reste an-nar, ayyadan billah, l'enfer. Celui qui meurt à la shirk al-akbar, il rentrera en enfer. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa minha qawluhu azza wa jal, wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun. Troisième verset, anna celui qui invoque autre qu'Allah et qui fait du shirk, c'est un kafir billah. On parle, nahnu, toujours, min hayth al-itlaq. On vise personne en particulier. Là, nahnu, comme on a expliqué au départ, et c'est pour ça que l'introduction est importante, toujours on parle en règle générale. Walou, s'il se prétend musulman, walou, il fait salat, walou, il fait siyam, walou, il fait le hajj, c'est pas un musulman. Pourquoi? Li'annahu, Allah subhanahu wa ta'ala, sammah kafiran. Qala azza wa jal, la yuflihul kafirun. Qala Sheikh Sulaiman, rahmatullah alayhi. كما في الفتاوى النجدية فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وصلى وصام. L'unanimité des savants, celui qui fait du shirk akbar, il invoque autre qu'Allah, il invoque les morts, c'est un mushrik, c'est pas un musulman. Même si il dit la ilaha illallah, même si il fait salat, même si il fait siyam, même si il va au hajj tous les ans, c'est un mushrik. Pourquoi? Li'annahu, il a annulé toutes ses œuvres avec hada shirk. C'est pour ça que ce naqid, il est grave. Vous comprenez le titre, Nawaqid al-Islam, ay, ça annule l'islam. Al-shahada, al-salat, al-siyam qui fait tous les ans, ay, le jeûne du mois de Ramadan, cette salat qu'il va au masjid peut-être tous les jours, peut-être qu'il a fait plusieurs fois le hajj. S'il fait du shirk akbar, matalan, il égorge pour la tombe, comme ils font certains ignorants l'âne, certains dollars, où il invoque le mort, il demande, où il va avoir des sorciers. Le fait qu'il fait cette chose, tout ce qu'il a fait, c'est annulé. Voilà, où 10 ans, 20 ans, 30 ans, indallah azza wa jal, ça vaut rien. L'imam, il a annulé son islam. Comme celui qui a l'eau d'eau, et il l'annule. C'est la même chose. L'amr, il est khatir, jiddan. Law qila linnas, si on dirait aux gens, en général, si tu fais telle chose, tu perds toute ta fortune, tout est bien. Tu trouverais les gens avec un hirs chedid. Ils feraient beaucoup d'efforts pour apprendre ces choses. Maintenant, on dirait 10 choses. Celui qui en fait une, il perd toute sa fortune. Maison, voiture, tout. Tu verrais les gens, ils feraient des efforts azim. Pourquoi? Parce que c'est dunya. Et fait le haqiqa, celui qui perd sa maison, qui perd son argent, il peut patienter et ça revient. Amma la haine, c'est le din. أن ces 10 annulatifs il perd son din bil kulliya. S'il meurt ala hada, ayyadan billah, أنه il est khasir. فلهذا قال عز وجل إنه لا يفلح. الفلاح c'est la réussite. Il ne réussira pas. Voilà où il a des biens, voilà où il a des femmes, enfants, voitures, maisons, il ne réussira pas. لماذا? لأن il mourra. Il mourra et après lui, il y en a, ils profiteront. Robama, sa femme, elle se remarie, sa maison, elle est vendue, ses biens, ils sont distribués et il se retrouve seul. Et s'il meurt à la hada shirk, awwalan, Allah ne lui pardonne pas. La yaghfiru, inna Allah la yaghfiru. Thaniyan, le paradis, il est interdit pour lui. Thalithan, anna tous ses a'mal, il trouvera rien. Les années qu'il a fait salat, les mois qu'il a fait de jeûne, il ne mangeait pas. Le hajj, il a fait le voyage, il a gaspillé de l'argent. Tout ça, dans sa tombe, il ne trouve rien. Voilà le shaykh. Pourquoi ? لأنه إلى فيه هذا الذنب العظيم قال رحمة الله عليه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الشرك لا يقبل معه عمل صالح الشرك ça se rassemble pas avec l'amal salih. Ça veut dire quoi هذا? Ça veut dire que celui qui fait du shirk akbar, le shirk akbar il annule tout. Celui qui fait des œuvres pieuses, salat, tawhid, zakat, il ne peut pas faire de shirk. Ça ne se rassemble pas. C'est comme l'eau et le feu. Ça ne se rassemble pas. Abadan. Al-insan yahdhar. Qala, wa la tughfar lahu sayi'atun hatta walau kana min aqrab an-nas ila Allah 'azza wa jalla wa a'dhamuhum jahan 'inda wa a'lahum maqaman 'inda. Walau ila un haut rang. Ta'ammalu la situation de Abu Jahl. La famille du prophète, c'est son oncle, c'est le frère de son père, c'est le même sang. C'était un mouchrik, il est mort à la shirk. Est-ce que ça lui était utile? Il faisait partie de la tribu de Quraysh. Ben, la tribu du prophète, le même sang, les mêmes ancêtres. Ayyadan billah, il est mort à la kufr wa shirk. Son oncle, Abu Talib, il l'a protégé. Il a protégé le prophète, il aimait le prophète. Il savait que le prophète, il était à la haqq. Quand il était vivant, personne n'osait faire du mal au prophète. Malgré tout ça, il est finnar. Pourquoi les Anna avant de mourir, quand son neveu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ya'am qulla ilaha illallah, avec kalimat al-tawhid, écarte-toi du shirk. Il n'a pas voulu. Il a dit Ana ala millati abd al-muttalib, et je reste sur le dîn de mes ancêtres. Il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est informé, il est finnar. Ça sera la personne qui aura le châtiment le moins pire, le plus léger. Lakin il est finnar, il sortira jamais. Malgré que c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a aidé, il l'a secouru, il l'a défendu. C'est quoi qui a empêché Abu Talib de réussir? C'est shirk ou le kufr. Il est mort et il n'a pas voulu se désavouer de la religion de ses ancêtres, les statues. Malgré qu'il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était véridique. Ah ben c'est important, dites-le. C'est sur ça que nous on doit faire nos efforts. Et là, ça va, tout ça, ils ne connaissent pas, ils perdent leur temps. بعضهم c'est la langue arabe, بعضهم c'est telle chose, بعضهم c'est dunya. Là, apprends ça, c'est ta base, ça doit être le centre de ta vie. Le principal but, c'est ça. Thumma, à côté, tu as besoin de langue arabe. Apprends, c'est important, ça va t'aider à comprendre ça. Tu as besoin de travailler, Lakin, donne du temps à ça. Tu vas te retrouver dans ta tombe tout seul. La première question, c'est par rapport à ça. Man Rabbuk. C'est qui ton créateur? Le mouahid, il pourra répondre. Celui qui a unifié Allah Azza wa Jal, il pourra répondre. Allah, al-mushrik, abadan, il répondra. Abadan. La première question. Al-insan yihdhar, ça va très vite. Qala, faqad qala subhanahu wa ta'ala li nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahwatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. On a vu an Allah, il pardonne pas al-shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. On a vu le deuxième verset, Anna, celui qui meurt à la shirk, Allah il lui interdit le jannah. On a vu le troisième verset, Anna, celui qui fait du shirk, c'est un kafir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le kafir. Innahu la yuflihu al-kafirun. Quatrième verset que Cheikh Najmi cite, celui qui meurt à la shirk, Allah il lui annule toutes ses œuvres. Qala la in ashrakta. Wal khitab li nabiyyina Muhammad alayhi salatu salam. Wa nabiyyi salatu salam, c'est ab'ad an-nas, il est ma'soum. Lakin al-khitab, même si lui la in ashrakta la yahbatanna amaluk, si tu fais du shirk, on annulera toutes tes œuvres. Et le khitab, il est pour tout le monde. On comprend de ce verset que celui qui fait du shirk, Allah il lui annule tout. Tout, il ne reste plus rien. Et c'est ça, Al-Khusran Al-Mubin. وقال عن الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام بعد أن ذكر عددا منهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Et en parlant des prophètes, Allah Azza wa Jalla قال s'ils auraient fait du shirk, Allah il aurait annulé tous leurs biens. Toutes les œuvres qu'ils ont faites seraient devenues zéro. Lakin alhamdulillah, l'anbiya, c'est les personnes les plus éloignées du shirk. Wallahi alhamd. Ils sont tous morts à la tawhid. Ça fait réfléchir le mu'min, ce genre de verset. Et là, on est tous concernés. Et la mort, ça peut venir à tout moment. L'insan, yahdhar. Daiman. Daiman, il vit avec tawhid. Il essaye de mourir à la hadil kalima. Qala, wa an Abi Hurayra, radiyallahu anhu, qala Rasulullah s.a.w. qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna shuraka an shirk, man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. أخرجه مسلم كما قال في الحاشية. الحديث إليه واضح أن الله عز وجل سن حديث قدسي أي سي الله كي قال. قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى سي الغني لا با بزون داسوسي. نحن مثلا في الدنيا pourquoi on prend des associés? لأننا on est faible. لأننا on a des manques. مثلا je veux ouvrir mon entreprise, j'ai pas assez d'argent, j'ai besoin d'un associé, il va m'aider, je peux pas seul. Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de personne. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de lui associer. Il a besoin de personne. Il est au-dessus de toutes les créatures. هو القاهر فوق عباده وهنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا. Celui qui fait un acte, une œuvre, أشرك فيه معي غيري. Et il associe Allah عز وجل dans cet acte. تركته والشرك. Allah il le délaisse lui et son shirk. Et il n'accepte pas de lui. فهذه الأدلة كلها تدل على أن من أشرك بالله أحدا غيره شركا أكبر يدعوه من دون الله أو معه لجلب النفع أو دفع الضر معتقدا قدرته على ذلك فإنه حينئذ يكون قد خرج من الإسلام. Celui qui invoque les morts, عيدا بالله, en pensant que ce mort il peut lui donner un bien ou lui enlever un mal. Ça c'est un exemple فقط. هذا il sort de l'islam. تعلمون أن بعض الناس الآن à l'époque où qu'on vit, son fils il tombe malade, la première chose qu'il fait, il voyage, عيادن بالله, peut-être des kilomètres pour aller visiter la tombe de Sidi Foulain dans telle ville, dans tel pays, et il égorge pour le mort. Tout ça pour que son enfant il soit guéri. Ou il demande directement, « Ya Sidi Foulain, je suis venu te visiter, mon enfant, il est malade. » Bardohum, ils écrivent des lettres, « Iyadam billah, khurafat, shirk. » Nous, on pose la question à Haoula, pourquoi il ne demande pas Allah, Azza wa Jal? Si tu es un mu'min, un muslim, pourquoi tu ne demandes pas Allah? Pourquoi tu ne fais pas les causes? Demande à Allah, Azza wa Jal, et va au médecin. C'est ça, le hal, le mu'min. Amma délaissé Allah, subhanahu wa ta'ala. Et كذلك الأسباب, ça montre que هذا الإنسان, il n'a pas de dîn, il n'a pas d'aql. Qu'est-ce qu'un mort il va être utile pour ton enfant? Et le shaitan il les égare. Bardohum ils sont partis et son enfant il va mieux. Il pense que c'est vraiment ce voyage, cette invocation qu'il a fait au mort, c'est le résultat, c'est la guérison de son fils. Et le shaitan il les égare. A'iyadun billah. Fait l'insan yahdhar. On vit et il y a des gens autour de nous qui font hada. On doit faire attention et kadalik, on doit faire des efforts pour leur montrer. تقوم الحج عليهم et pour essayer de les sortir de هذه الظلمات. Celui qui suit, alhamdulillah, celui qui suit pas, il se fait du mal qu'à lui. قال ومن ذلك الذبح لغير الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, pour conclure ce premier annulatif, il cite un exemple, al-dabh. Pourquoi al-dabh? Al-dabh, c'est sacrifié. Les annas, c'était très répandu à son époque. Al-Soufiya, al-Dullal, wa ila yawmina hada, annahum, ils donnent cette adoration à autre qu'Allah. Ba'duhum, iyadun billah, il achète une maison, la première chose qu'il fait, il égorge pour al-djinn. Du shirk. Pourquoi? Et Anna, il a peur que le djinn il fasse du mal à ses enfants, il lui fasse du mal. Il égorge pour le djinn, pour que le djinn il s'écarte. Shirk billah wa kufr. Si t'as peur, t'as pas à avoir peur, awwalan. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Et demande à Allah Azza wa Jal qu'il te préserve de leur mal. أما إغرجي pour autre qu'Allah pour que ce djinn te délaisse, c'est ça عين الشرك. هذا سي تري تري répondu. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم على بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم فمن دعا الأموات واستغاث بهم أو ذبح أو نذر لهم أو ذبح للجن أو ذبح تلبية لطلب ساحر أو توجيهات كاهن ومن في حكمهما أو تقرب بنسك لقبر أو لصالح أو لصاحب القبر فإنه يعتبر قد أشرك شركا أكبر. Il a cité des exemples. الذبح للجن. On a cité l'exemple avec la maison. Ils égorgent pour un djinn pour que le djinn il sorte. Ça c'est du kufr billah. Le fait de sacrifier pour le djinn, tu lui as donné une adoration. C'est comme si Wahid il se prosterne pour le djinn pour que le djinn il parte. C'est la même chose. Prosterner c'est une adoration, sacrifier c'est une adoration. Tu n'as pas le droit. S'il y a un djinn chez toi, tawakkal ala Allah. C'est un makhlouk, il est faible, il ne pourra pas te faire grand chose. Illa an yasha Allah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une épreuve. Wa'lam anna, si tu sacrifies pour que ce djinn il s'écarte, un autre il viendra pour te faire du mal, pour que tu le sacrifies. Et tu perdras ton temps et ton digne. Qala, ou dhabh talbiyatan li talab sahir. Ça arrive. Al-sahir, et on verra ce point, insha'Allah ta'ala, le djinn, il aidera al-sahir si ce sahir, il fait du kufr. Famathalan, ce sahir, il dit à un tel, ou là, le djinn, il dit au sahir, tu sacrifies telle bête pour moi. Et après, je t'aide, je fais telle chose. C'est du kufr billah, azza wa jal. Qala, ou tawjihat kahin, ou man fi hukmihima, ou yataqarrab binusuk li qabr. Ba'duhum, ils vont dans des endroits, iyadam billah, et ils font comme le hajj. Hatta il y a un endroit, c'est le hajj pour le masakin. Et celui qui ne peut pas faire le hajj, il est à Mecca, il fait le hajj inda al qabr. Et wallahi, annahum, ils font comme le hujjaj. Annahu, chacun il emmène sa bête et il l'a sacrifié pour la tombe. Shirk wa kufr. Celui qui ne peut pas faire le hajj, fala yukallifullahu nafsan ila wus'aha. Amma égorgé pour le mort, c'est une musiba. قال فإنه يعتبر قد أشرك شركا أكبر نعم ويترتب عليه كفره بوحدانية الله عز وجل كفرا يخرجه من الملة ça le fait sortir de l'islam et il y a des conséquences très graves qui c'est qui récapitule les graves conséquences du shirk أولاً parmi les choses ça va impliquer des choses graves أولاً Allah la yaghfiru lahu, Allah il lui pardonne pas. Thaniyan, annahu kafir. Thalithan, na'am, anna a'maluhu mubtila, habita, Allah il lui efface tout. Rabi'an, harram Allah alayhi al-jannah, Allah il lui interdit al-jannah. Et kadhalik fi dunya, il y a des choses graves. Le contrat de mariage il est annulé. وأشياء كثيرة أنه لا يدخل مكة سيسا مشرك يغنط با في مكة لأن مكة سيبغ الموحدين كذلك سيمور لا يصلى عليه سيمور on fait pas salat sur lui on le lave pas on l'enterre pas avec les musulmans on fait pas de tu'a pour lui même si c'est un proche il allait voir les sorciers il est gorgé pour les morts khasatan il a été conseillé il voulait pas écouter سيمور on fait pas salat sur lui on fait pas de tu'a pour lui il est mort à la shirk. C'est très très grave. كذلك ما يتعلق بالميراث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كذلك سيما على الشرك on n'hérite pas de lui لأن المسلم il hérite du مسلم. أما هذا c'est plus un مسلم. فنص الله العافية. On avait fait une kalima مع الإخوان في خطورة الشرك, la gravité du shirk, on l'avait propagé. Et في الحقيقة on avait résumé هذا et on avait détaillé أكثر. فcelui qui veut الأدلة, les preuves plus en détail, et la parole des savants, il revient à ce dars, wa nas'alullah azza wa jalla lil jami' at-tawfiq. Naktafi bi hadha al-qadr. On voulait lire le deuxième naqid, lianna c'est la suite fil haqiqa, ou c'est un exemple, man ja'ala baynahu wa bayna Allah wa sa'id. celui qui met entre lui et Allah des intermédiaires. C'est du shirk. Cheikh al-Islam, il a cité ثانياً لماذا لأن هذا منتشر وخطير فللأهمية. Il l'a cité en deuxième. وإلا في الحقيقة, le deuxième naqid, c'est du shirk. لكن Cheikh al-Islam, il a cité le premier avec un exemple à dhabh. ثم il a cité le deuxième à part. Pourquoi? Pour bien le mettre en avant, pour que les gens ils comprennent que c'est du shirk. لأن بعض الناس الآن, qu'est-ce qu'ils font? Et ça sera notre prochain dors, inshallah ta'ala. Il demande un mort, si tu lui dis ya fulan, c'est du shirk, tra Allah, c'est grave, et tu lui cites les preuves qu'on a citées là, il pourra te répondre Anna, c'est pas du shirk. Anna, je crois en Allah, je sais que c'est Allah qui donne. Lakin, Anna, je demande à ce mort que pour qu'il demande à Allah. Lianna, lui, c'est un homme pieux, il est mort à la khayr, et il va demander pour moi Allah. C'est exactement shirk kuffar Quraysh. Kuffar Quraysh, ils ont dit exactement la même chose. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Et on les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Et on détaillera بإذن الله هذا dans notre prochain vers. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. Révisez الناقد. Vous révisez ces nawaqid de la façon suivante. أولا, celui qui peut l'apprendre, فطيب. Les frères qui font les doros avec nous, Sharh al-Arba'in Nawawiyya, et qu'ils n'ont pas fini, continuez à apprendre les 40 Nawawiyya. Dès que vous finirez, Inch'Allah, vous apprendrez ces Nawaqid, et on donnera du temps pour les réciter. Hatta, on ne mélange pas tout. Il y en a marre de At-Tullab, des fois ils sont motivés, ils apprennent une chose, et quand ils entendent leur professeur, ou que ce livre il est bien, ils veulent l'apprendre, et ils n'arrivent pas. Là, étape par étape, finis ce que tu apprends. Les frères qui sont arrivés il n'y a pas longtemps et ils n'ont pas de maintenant à apprendre, ils apprennent. Le hifz, c'est pour tout le monde. Ne soyez pas comme certains hommes, ils sont toujours en arrière et ils pensent que le hifz, c'est que pour un tel. Masha'Allah, le frère, il fait des efforts et lui, il est spectateur. Là, le hifz, c'est pour tout le monde. Ce que tu peux. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nous, on ne demande pas au-dessus des capacités. Lakin, aqal shay, mathalan, al-naqid awwal al-shirk fi ibadatillah, c'est très simple. Al-shirk, et t'apprends et t'alid. Si tu ne peux pas t'apprendre, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Et si tu peux apprendre le deuxième, tayyib. Et à la fin, tu rajoutes « وَمِنْهُ أَذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ ». Tu as appris le naqid. Et celui qui peut apprendre tout, mot à mot, alhamdulillah, ahsan. Donc vous révisez en apprenant le naqid, celui qui peut, en apprenant la définition du naqid, مَتَلَنْ هُنَا الشِّرْكُ, et avec la gravité, si vous arrivez à retenir 2-3 points, « أَنَّ اللَّهِ لَوْ pardonne pas, أَنَّ ses œuvres sont annulées, les 4 points qu'on a cités ou les 5 points, et l'exemple, « أَذَّبْحُ ». Et Cheikh Najmi, il a cité « الدليل » pour « الدبح ». Celui qui veut l'apprendre, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ. T'es pas obligé d'apprendre tout le verset. وَمِنَ السُنَّةِ حَدِيثِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ qu'il a pas cité هُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. Qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Il est maudit à l'islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala sammah kafiran. Il y a pas de khayr fi le mushrik. Lakin akthar an-nas la ya'lamun. Ces questions sont mohimmas. Si vous n'avez pas retenu les définitions ma'adhan, vous avez pu écrire. Enfin, Inch'Allah, on vous les donne. L'uratan, c'est l'ishtirak. Ismun l'ishay alladhi yakun akthar min wahid. Wa minhu l'ishtirak. Ismun l'ishay yakun akthar min wahid. Aïe, c'est le fait de rendre une chose plus que un. C'est ça, shirk. Mathalan, wahid, il a ouvert une entreprise, il est tout seul. Si on rajoute un ou deux, ça devient des associés. Il est plus seul. C'est ça le shirk dans le loi. C'est plus de un. Maintenant, celui qui mérite l'adoration, Allah, l'unique, Al-Ahad, Al-Samad. Celui qui rajoute une créature via Al-Bab, il a fait du shirk. Ça, c'est le loi. Ismun lishay alladhi yakun akthar min wahid. Wa minhu al-ishtirak. Na'am. Ishtaraka fulan ma'a fulan. Wa shara'an musawatu ghayrillah. Billah. فيما هو من خصائص الله. Et il y a des autres tarifs. Il y a des autres tarifs. Chaque savant il cite un tarif. بعضهم ils disent c'est tout ce qui contredit le tawhid. كل ما يناقض التوحيد وسماه الشارع شركا. بعضهم ils disent هكذا. Tout ce qui contredit le tawhid et Allah ou le prophète صلى الله عليه وسلم ils l'ont appelé shirk. بعضهم ils rajoutent tout ce qui contredit le tawhid ou qui diminue le tawhid. C'est un tarif طيب. كل ما نقض التوحيد أو ناقصه. Ça fait rentrer le shirk al-asghar. Le shirk al-asghar, ça diminue le tawhid, ça ne l'annule pas complètement. Inch'Allah, le prochain dors, on essaiera de citer des ta'arifs plus simples, celui qui veut les noter. Amma huna, aujourd'hui, celui qui veut écrire, Musawatu ghayrillah billah, fi ma huwa min khasa'isillah.